1, 2, 3, 4, 5. Un enfant de famille vient de mourir. Une mère en pleurs, effarée, un père égaré. En puissant au sein de la famille, un aide-moi à chérir. Sur les murs lugubres, reste accroché quelques photos en guise de souvenirs. Pauvre, rien plus faire lorsque les démons estomacales entraillent la serre. Vivre au jour le jour, manger à compte-goutte, finit par arriver ce que le plus jeune doute. Ressasse mes renseignements, disciple de Gandhi. Dans le ciel de son idéologie, me souviens avoir grandi. Tout pour tout sur terre, depuis la nuit des temps, austère nos conditions de vie. Faustère. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mental génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mental génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. J'ai vu, mes yeux les pures atrocités qu'humains bien constitués ne peut nullement supporter. J'ai vu, misère au déo se déporte tandis que s'enrichissent les politiques mal intentionnés. Souhait juste profiter, situationniste, conjoncturel, dramatique, histoire de chaotique, mortel, conscient, enfant d'Afrique, du Congo. Tire sur la sonnette d'alarme, veut plus voir couler des larmes, s'envoler vers les cieux, jeunes âmes. Pourtant fertile nos sols, riches nos sous-sols, pleine de poissons, lacs, marigots, ruisseaux, rivières, fleuves, mers et océans, tout cela à foison. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mental génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mondial génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. 900 000, la famine accable, 100 000 s'apprêtent à passer, sont vacillés à table. Des trucs bizarres vécus partout, sous presque partout. Là-bas loin dans ce monde au paradoxe qui place tout. En sens inverse comme l'anarchie qui prospère quand le juste perd tout. J'en place une pour mes sources, tièrement en fausse clause. Qui par les promesses de l'ONU, guerre bien connue, crime, génocide, secret bien tenu. Ici et là, univers du mal, bien en mal ou pas, de paix en life. C'est l'obscur avenir sombre, genre 2012, le film, le Frokorosaki, vision d'Aigle Mambemba. Gère quand tout ne tient plus que sur un fil. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mental génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mental génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mental génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. À chaque fois, toutes les 5 secondes, le famine des enfants meurt par millions. Mental génocide, volontaire homicide, éradiquance mal, il existe des solutions. Même il existe des solutions.